Gangler dit, parle-moi des autres As. Har continua. Le second fils d'Odin est Balder. Il y a beaucoup de bien à dire sur son compte. C'est le meilleur des As. Ils en font tous l'éloge. Le corps de Balder est si beau, si lumineux, qu'il répand la lumière autour de lui. Il y a une plante que l'on compare aux sourcils de ce dieu. C'est la plus blanche de toutes les fleurs. Juge par là de la beauté du corps et des cheveux de Balder. Il est le plus sage, le plus éloquent, le plus clément des As. Ses arrêts sont irrévocables. Il habite un endroit du ciel appelé Breidablik. Rien d'impur ne peut y entrer, comme il est dit ici. Balder a construit sa demeure à Breidablik. Cette contrée est celle où il y a, je crois, le moins de souillures. Le troisième des As se nomme Njord. L'endroit qu'il habite dans le ciel est appelé Noatun. Il est le maître des vents. Il apaise l'océan et le feu. On l'invoque sur mer et à la pêche. Njord est si riche, si puissant, qu'il peut donner de la fortune et le superflu à ceux qui lui en font la demande. Il a été élevé à Vanaheim, mais les Vannes le donnèrent en otage aux dieux et reçurent en échange un homme appelé Hennor. Njord devint le médiateur de la réconciliation entre les dieux et les Vannes. Skad, sa femme, est fille du géant Thiasse. Elle voulait habiter avec son père, c'est-à-dire dans les montagnes de Trimhem, et Njord sur le rivage de la mer. Ils convinrent donc de passer 9 nuits à Trimhem et 3 à Noatun. Mais lorsque Njord revint des montagnes, il chanta ce qui suit. « Je me suis ennuyé dans les montagnes où, cependant, je n'ai passé que peu de temps, seulement 9 nuits. Les hurlements des loups m'ont paru affreux comparés au chant du cygne. » Eskad chanta de son côté. Les cris lamentables des oiseaux m'empêchaient de dormir sur le rivage de la mer. La mouette qui vient de l'océan me réveillait tous les matins. Skad s'en fut alors dans les montagnes et fit bâtir à Trimhem. Elle court beaucoup en raquette sur la neige et tue des animaux avec son arc. On l'appelle la déesse des raquettes. Le Skald dit « Thiasse, l'informe géant, habite Trimhem. Skad, la fiancée lumineuse de Njord, réside maintenant dans l'ancienne demeure de son père. » Njord, de Noatun, eut ensuite 2 enfants. Son fils se nommait Frey et sa fille Freya. Ils étaient beaux de visage et puissants. Frey est le plus brillant des As. Il dispose de la pluie, du soleil, des moissons. C'est lui qu'il faut invoquer pour obtenir de bonnes récoltes et la paix. Il est aussi le maître des propriétés des hommes. Freya est la plus belle des Asès. Elle possède dans le ciel le palais de Folkvang. Et lorsqu'elle se rend à cheval sur un champ de bataille, une moitié des hommes tués lui appartient. L'autre est à Odin, comme il est dit ici. Folkvang est le nom du palais où Freya dispose à son gré des sièges de sa salle. Une moitié des hommes tués lui appartient, le reste est à Odin. Zeesrimner, la salle des festins de Freya, est vaste et belle. Quand la déesse sort, on attelle 2 chats à son char. Elle est favorable à ceux qui l'invoquent. Elle aime les chants d'amour. Les amants font bien de l'adorer. Gangler dit « Ces As me semblent fort importants à connaître. Il n'est pas étonnant que vous soyez si puissants, car vous savez le dieu qu'il faut invoquer dans chaque circonstance. Y a-t-il encore d'autres dieux ?» Har répondit « Tyr est le plus hardi et le plus courageux des As. La victoire dépend de lui. Aussi les guerriers ont-ils soin de l'invoquer. Quand un homme surpasse tous les autres en courage, on dit qu'il est vaillant comme Tyr. Cet As a tant de sagesse que l'on dit encore d'un homme remarquable sous ce rapport, il est sage comme Tyr. Il a donné une preuve de sa hardiesse lorsque les As parvinrent, en employant la ruse, à attacher le loup Fenris avec une chaîne appelée Gleipner. Fenris refusa d'essayer cette chaîne tant que l'un des As n'aurait pas mis une main dans sa gueule. Tyr eut seul ce courage. et les Ases, n'ayant pas voulu déchaîner Fenris, il coupa d'un coup dedans la main de Tyr, à la place appelée aujourd'hui en mémoire de cet événement, le Joint du Loup. Tyr est donc manchot. Cependant, les hommes ne le considèrent pas comme un pacificateur parmi les hommes. Brage est le nom d'un autre Ase, remarquable par sa sagesse, son éloquence et la facilité de son élocution. C'est un maître en poésie. Sa femme se nomme Iduna. Elle conserve dans une boîte des pommes dont les dieux se nourrissent quand ils se sentent vieillir. Elle leur rend de la jeunesse. Il en sera de même jusqu'à Ragnarökr. Gangler dit « Il est essentiel pour les dieux qu'Iduna veille avec soin sur ce dépôt. » Har répliqua en souriant. « Ils ont manqué se trouver fort mal de leur confiance dans Iduna. Je pourrais te raconter cette histoire, mais il faut auparavant que je te dise le nom des autres dieux. » Il y en a un appelé Heimdall. On le nomme aussi l'Ase Blanc. Il est saint et puissant. 9 vierges, qui étaient ses sœurs, le mirent au monde. On lui donne encore les noms de Halinskir et de Gilentan, dents d'or, parce que ses dents étaient de ce métal. Son cheval s'appelle Gulltop. Heimdall habite à Himmelsbjörg, près de Bifröst. Il est la sentinelle des dieux. Assis sur la limite du ciel, il veille à ce que le pont ne soit pas envahi par les géants des montagnes. Il lui faut moins de sommeil qu'à un oiseau, et sa vue est aussi longue de nuit que de jour. Il voit les objets à une distance de 100 000, entend croître l'herbe sur la terre et la laine sur les brebis. Des sons plus forts ne lui échappent pas davantage. Il a une trompe appelée Gjallar. Quand il en sonne, tous les mondes l'entendent. Le glaive de Heimdall se nomme Hufvudet, comme il est dit ici. L'habitation de Heimdall porte, dit-on, le nom de Himmelsbjörg. La sentinelle des dieux boit gaiement l'hydromel dans cette maison où règne une douce chaleur. Heimdall dit ailleurs de lui-même « Je suis l'enfant de 9 mères, je suis le fils de 9 sœurs. » L'un des Ases se nomme Höder. Il est aveugle, mais très fort. Les dieux voudraient peut-être l'oublier, mais le souvenir de ses actions est trop profondément gravé dans leur mémoire et dans celle des hommes. Un autre Ase se nomme Vidar. C'est l'Ase silencieux. L'un de ses souliers est très épais. Vidar est le plus fort après Thor. Il est très utile aux dieux dans les aventures dangereuses. Halle ou Valle, fils d'Odin et de Rind, est vaillant dans le combat et bon archer. Ullr est fils de Sif et beau-fils de Thor. Il est si habile à tirer de l'arc et court si bien en raquette que personne ne peut rivaliser avec lui. L'extérieur d'Ullr est agréable, ses manières sont martiales. Il est bon de l'invoquer dans les combats singuliers. Forzet est le fils de Balder et de Nanna, fille de Nep. Il possède dans le ciel une salle appelée Glitner. Ceux qui viennent le trouver dans leurs différends s'en retournent réconciliés. Les dieux et les hommes ne connaissent pas de meilleur tribunal. Glitner est le nom d'une salle soutenue par des piliers d'or et couverte en argent. Forzet y passe la plus grande partie de son temps à pacifier les querelles. Il y a encore un autre Ase, appelé par quelques skalds le détracteur des dieux. C'est l'auteur des perfidies, de tout ce qui déshonore les dieux et les hommes. On le nomme Loke ou Lopt. Il est fils du géant Farbeut. Lef ou Nal est sa mère. Bileist et Helblind sont ses frères. Loke est beau de corps, mais son caractère est méchant et fort léger. Il a entraîné les dieux dans plus d'une aventure, dont il les a souvent tirés par son esprit inventif. Sa femme se nomme Ziggin, et le fils qu'il eut d'elle, Nar ou Narve. Mais Loke avait encore 3 autres enfants avec Angerboda, géante de Jotunheim, le loup Fenris, Jormungand, le serpent de Midgard et Hel. Les dieux ayant appris que ces 3 enfants de Loke étaient élevés à Jotunheim et leur seraient une cause de malheur, puisqu'on ne pouvait en attendre rien de bon du côté maternel et encore moins du côté paternel, Odin ordonna aux Ases d'enlever ses enfants et de les amener devant lui. Lorsqu'ils y furent, Odin jeta le serpent dans la mer profonde qui environne tous les continents. Le reptile grandit tellement qu'il ceint dans le fond des eaux le globe de la terre et peut en outre mordre sa queue. Odin précipita Hel dans Niflheim et lui donna puissance sur 9 mondes, afin qu'elle pût faire changer de demeure aux hommes qu'on lui envoie, c'est-à-dire qui meurent de maladie et de vieillesse. Elle y possède de grandes habitations entourées de murailles excessivement hautes. Sa principale salle se nomme Eljudener, son écuelle Hunger, la disette, son couteau Svelt, la faim, son esclave mâle Zenferdig, lent, son esclave femelle Zena, lente. Le seuil de la porte par laquelle on passe pour entrer chez Hel est appelé Felandasvek, piège perfide, son lit Tivnsot, la phtisie. Les rideaux de ce lit sont nommés Förterandesorg, chagrin dévorant. Une moitié du corps de Hel est bleue, l'autre à la carnation humaine. Son aspect est effrayant et sinistre, elle est très connue. Le loup Fenris fut nourri chez les Ases. Tyr eut seul le courage de lui porter à manger. Quand les dieux virent combien Fenris grandissait chaque jour, et toutes les prédictions s'accordant à dire qu'il était destiné à leur nuire, ils prirent la résolution de fabriquer une chaîne très forte. Ils l'appelèrent Leding et la portèrent à Fenris pour l'essayer. Celui-ci, ne la trouvant pas redoutable, laissa faire les Ases comme il le voulait. Mais aussitôt que Fenris s'étendit, la chaîne se rompit et il fut dégagé. Les Ases en firent une seconde, une fois plus forte que la première, et la nommèrent Drôme. Ils la portèrent à Fenris pour l'essayer et lui dirent qu'il deviendrait très célèbre si cette chaîne ne pouvait lui résister. Fenris vit bien qu'elle était plus solide que la première, mais ses forces avaient également augmenté depuis l'épreuve de Leding. Il pensa aussi qu'on n'acquérait point de gloire sans courir des dangers et se laissa enchaîner. Lorsque les Ases eurent fini, Fenris s'agita, frappa des pieds et battit la chaîne contre terre, en sorte que les débris en furent lancés au loin. Après ce nouvel échec, les Ases commencèrent à craindre qu'il serait impossible d'enchaîner Fenris. Odin envoya alors un jeune homme appelé Skirner et qui était messager de Frey vers les nains de Svartalfheim. Il y fit fabriquer une chaîne appelée Gleipner. Elle se composait de 6 substances différentes, du bruit des pas de chat, de barbe de femme, de racines de montagne, de tendons d'ours, d'esprits de poisson et de salive d'oiseaux. Quoique ces matières te soient inconnues, tu dois croire à leur existence comme au reste, tout en sachant que les femmes n'ont pas de barbe, que les pas de chat ne font point de bruit, que les montagnes n'ont point de racines. Gangler dit « Je comprends fort bien le sens des figures dont tu te sers, mais explique-moi le travail de cette chaîne. » Har répondit « Je puis te satisfaire. » Gleipner était unie, souple comme un lacet de soie, et néanmoins forte et solide. Lorsqu'elle fut apportée aux Ases, ils remercièrent leur messager d'avoir si bien réussi dans sa commission. Ensuite, ils se rendirent sur le lac Amsvartner, vers un îlot appelé Lingve, et invitèrent Fenris à les accompagner. Ils lui montrèrent le lacet de soie en le priant de le casser, et ajoutèrent qu'il était peut-être plus fort qu'on ne pouvait le supposer par sa grosseur. Les Ases se passèrent de l'un à l'autre ce lacet, en essayant de le rompre, mais ce fut inutilement. Ils assurèrent que Fenris en viendrait à bout. Le loup répondit « Avoir ce lacet, il n'y aura pas de gloire à le rompre. Toutefois, s'il a été fabriqué avec ruse et artifice, jamais, malgré sa faiblesse apparente, il ne touchera mes jambes. » Les Ases dirent alors qu'il lui serait très facile de venir à bout d'une chaîne aussi mince, puisque Leding et Drôme n'avaient pu lui résister. « Mais, ajoutèrent-ils, si tu ne peux rompre ce lacet, tu ne saurais être redoutable pour les dieux, et nous t'en débarrasserons. » Fenris répondit « Si vous serrez ce lien de manière à ce que je ne puisse m'en débarrasser moi-même, vous planerez tellement au-dessus de moi que votre secours m'arrivera tard. Je n'ai donc aucune envie de me laisser attacher avec ce lacet. Cependant, afin que vous ne m'accusiez pas de lâcheté, je propose à l'un de vous de mettre sa main en gage dans ma gueule pour me donner la certitude que tout se passera loyalement. » Les Ases se regardèrent, car cette condition leur paraissait dure et personne ne présentait le gage demandé. Enfin, Tyr avança la main droite et la mit dans la gueule de Fenris. Celui-ci commença à remuer les jambes pour rompre le lacet, mais plus il faisait d'efforts, plus Gleipner le serrait. Tous les Ases se mirent à rire, excepté Tyr qui perdit la main. Quand les Ases virent Fenris bien attaché, ils prirent Gelgia, le bout de la chaîne, le passèrent à travers une dalle appelée Gyeul et la fixèrent profondément en terre. Ils prirent ensuite une autre grande pierre, nommée Tvit, avec laquelle ils enfoncèrent la dalle encore davantage. Le loup ouvrit une gueule épouvantable, se démena beaucoup et voulut mordre les Ases, mais ils lui traversèrent la gueule avec un glaive dont la poignée s'arrêta dans la mâchoire supérieure. C'est sa muselière. Fenris hurle d'une manière effroyable. L'écume qui sort de sa gueule devient un fleuve appelé Von. Il restera couché en cet endroit jusqu'à Ragnarökr. Gangler dit « Les enfants de Locke sont méchants, mais pris séparément, ils sont admirables. Puisque les Ases n'attendent que du mal de Fenris, pourquoi ne l'ont-ils pas tué ?» Har répondit « Les dieux ont tant de respect pour leur sanctuaire et leur sainte demeure qu'ils ne veulent pas les souiller avec le sang de ce loup. Toutes les prédictions s'accordent cependant à dire que Fenris sera le meurtrier d'Odin. » Gangler dit « Parle-moi des Ases. » Har répondit « Frigg est la première d'entre elles. Son palais se nomme Fenzal. Il est très beau. La seconde Ases est Zaga. Elle habite Sökvagbäck. Ce palais est vaste. Ea, la troisième, est le meilleur médecin. La quatrième est Gefion. Elle est vierge, et toutes les vierges lui appartiennent. La cinquième est Fula, vierge aussi. Elle a les cheveux flottants, un ruban d'or lui ceint la tête. Elle porte la boîte de Frigg, a soin de sa chaussure et participe à ses conseils secrets. Freya est la seconde Ases après Frigg pour la puissance. Elle est mariée à un homme appelé Od. Leur fille se nomme Hnos. Elle est si belle qu'on donne son nom à tout ce qui est beau et de quelque valeur. Od voyage au loin. Freya pleure son absence et ses larmes sont d'or rouge. Elle a beaucoup de noms suivant les peuples qu'elle a visités en allant à la recherche d'Od. Les voici, Mardel, Hörn, Geffen et Zir. Freya possède le collier Brising. Elle est aussi appelée Vanadis. La septième Ases est Sjöfn. Elle a le pouvoir de disposer les cœurs à l'amour. Lofn, la huitième, est si vertueuse, si bonne à invoquer, qu'Odin et Frigg lui permettent d'unir les hommes et les femmes malgré tous les obstacles. La neuvième est Var. Elle écoute les promesses, les serments que les hommes et les femmes se font et punit les parjures. Var est sensée, questionneuse. Rien ne lui est caché. Zin, la dixième Ases, garde la porte du palais et la tient fermée à ceux qui ne doivent pas entrer. Elle est aussi chargée de veiller près de l'assemblée des dieux sur les cas qu'on veut nier. La onzième est Hlin. Ses fonctions se bornent à veiller sur les individus que Frigg veut préserver des dangers. La douzième est Snotra. Elle est prudente. Ses manières sont agréables. La treizième est Gna. C'est la messagère de Frigg dans tous les mondes. Son cheval, nommé Hofvarpner, traverse les airs aussi bien que l'eau. Quelques vannes l'ayant aperçu un jour chevauchant dans l'espace, l'un d'eux dit « Que voyons-nous voltiger? Que voyons-nous traverser les airs ?» Gna répondit « Je ne voltige pas, je traverse l'espace sur Hofvarpner, engendré par Hamskerper avec Gardrofa. » Zol et Bil sont aussi comptés parmi les Ases. Il en a été question plus haut. Il y a encore d'autres femmes à Valhall. Elles sont chargées de verser à boire, de frotter les tables et les coupes. voici leurs noms comme on les trouve dans le poème de Grimner. Je veux que Rist et Mist m'apportent la coupe, que Skegjöld et Skögul, Hild et Trud, Lök et Lörfjötur, Göl et Geirahöd, Rangrid et Reginleif servent la bière forte aux Einherjars. Elles sont appelées les Valkyries. Odin les envoie sur tous les champs de bataille. Elles savent quels sont les guerriers qui succomberont et disposent de la victoire. Gunn, Rota et Skuld, la plus jeune des Nornes, sont toujours à cheval. Elles marquent les guerriers qui doivent périr et dirigent le cours de la bataille. Jord, la mère de Thor, et Rind, la mère de Val, font aussi partie des As. Gimmer est le nom d'un homme qui avait pour femme Urboda, de la race des géants de montagne. Gerd, leur fille, était la plus belle de toutes les femmes. Frey s'assit un jour sur le trône Lidskjalf. En regardant de tous côtés, il tourna les yeux vers le nord, où il vit une belle et vaste maison. Une femme se dirigeait de ce côté, et lorsqu'elle leva les mains pour ouvrir la porte, il en jaillit une lueur si vive que l'air, l'eau et le monde entier en furent illuminés. Frey, en punition de ce qu'il s'était assis sur le trône sacré, se retira le cœur plein d'amour. Rentré chez lui, il ne parlait à personne, ne dormait plus. Il avait renoncé à boire. On osait lui adresser la parole. Alors Njord fit appeler Skirner, le page de Frey, et le pria d'aller trouver son maître, de lui demander ce qui avait excité sa colère au point de ne plus parler. Skirner promit de remplir le message, quoique ce fût contre son gré, tant il comptait sur une réponse désagréable de la part de Frey. Arrivé près de ce dernier, il lui demanda la cause de sa taciturnité et d'où venait qu'il ne parlait à personne. Frey répondit qu'il avait vu une femme extrêmement belle et mourrait bientôt s'il ne la possédait. « Va la demander en mariage pour moi, » dit-il. « Tu l'amèneras ici, que son père y consente ou non, et je te récompenserai. » Skirner se chargea du message, mais à la condition que Frey lui donnerait son glaive, arme excellente qui combattait seule et sans le secours de personne. Frey ne fit aucune difficulté pour accepter cette proposition. Il donna son glaive à Skirner. Le page partit et remplit sa mission auprès de Gerd. Il en reçut la promesse qu'après 9 nuits, elle se rendrait à Bareu pour y célébrer ses noces avec Frey. Lorsque Skirner dit à son maître le résultat de sa négociation, Frey chanta. « Une nuit est longue, 2 nuits sont longues. Comment pourrais-je en passer 3 dans l'attente? Souvent un mois m'a semblé plus court que la moitié d'une de ces nuits. » Voilà pourquoi Frey était désarmé lors de son combat contre Belg, qu'il tua avec un bois de serre. Gangler dit « Il est fort extraordinaire qu'un guerrier comme Frey ait pu consentir à se priver d'un aussi bon glaive sans en avoir un autre d'égale valeur. Cette perte lui donna beaucoup de désavantages dans sa lutte avec Belg. Je présume qu'il regretta alors sa générosité. » Har répondit « Ce malheur avait peu d'importance relativement à Belg. Frey aurait pu le tuer d'un coup de main. Mais cette circonstance sera bientôt autrement fâcheuse pour lui quand les fils de Muspelheim s'armeront en guerre. » Gangler continua. « Tu m'as dit que tous les hommes morts sur le champ de bataille, depuis la création du monde, sont maintenant à Valhall avec Odin. Comment ce dieu trouve-t-il de quoi nourrir une foule qui doit être considérable ?» Har répondit. « Elle est en effet très nombreuse. » Et s'accroîtra bien davantage encore. Cependant, elle sera insuffisante quand le loup Fenris viendra. Quel que soit le nombre des Einherjars, le porc Zérimr ne les laissera pas manquer de lard. On le fait cuire tous les jours, et le soir il est de nouveau entier. Mais il est peu d'individus, je crois, assez instruits pour répondre à la question que tu viens de m'adresser. Le cuisinier de Valhall se nomme Andrimr, et la marmite Eldrimr, comme il est dit ici. Andrimar, Meserimar dans Aidrimar pour le faire cuire. Cela est délicieux. Peu de gens savent comment les Einherjars sont nourris. Gangler demanda. Odin a-t-il le même ordinaire que les Einherjars? Har répondit. Ce qui est servi sur sa table, il le donne à deux loups appelés Ger et Frek. Odin n'éprouve aucun besoin. Le vin lui sert de nourriture et de boisson. L'auguste père des armées nourrit Ger et Frek de sa main. Le belliqueux Odin vivra éternellement avec du vin. Deux corbeaux, perchés sur ses épaules, lui racontent à l'oreille tout ce qu'ils ont vu et entendu. On les nomme Hugen et Munen. Ils partent à la pointe du jour, parcourent la terre et sont de retour pour le déjeuner. Odin sait ainsi tout ce qui se passe. On l'appelle aussi le dieu au corbeau. Hugen et Munen font chaque jour le tour du globe. Je crains que Hugen ne revienne pas. Je crains encore davantage pour Munen. Gangler demanda. Où trouve-t-on de quoi désaltérer les Einherjars? Boivent-ils de l'eau? Har répondit. Tu me fais maintenant une singulière question. Odin inviterait-il chez lui des rois, des Jarls ou autres hommes illustres pour leur donner seulement de l'eau à boire? La plupart de ceux qui viennent à Valhall trouveraient, je crois, que cette eau leur coûte cher. Je parle des guerriers dont les blessures et la mort ont été douloureuses. Mais j'ai autre chose à te raconter à ce sujet. Il y a dans Valhall une chèvre appelée Heidrun. Elle mange les feuilles de l'Erad, sapin célèbre. De ses mamelles coule l'hydromel nécessaire pour remplir une cuve très grande et enivrer tous les Einherjars. Gangler dit « Cette chèvre est fort étonnante et l'arbre dont elle mange les feuilles doit être précieux. » Har répliqua « Le cerf Ektirner est plus remarquable encore. Il mange aussi les feuilles de l'Erad et il sort de son bois une rivière qui descend jusqu'à Vergelmer. Elle produit les fleuves suivants, Zid et Vid, Zeken et Eken, Svöl, Gundro, Fjörm, Fimbultul, Gipul, Göpul, Gömul, Gaervimul. Ces fleuves arrosent tout le pays des Haz. On les nomme encore Tin, Vin, Töl, Bol, Grat, Guntrein, Nit, Nöt, Nön, Rön, Vina, Vexvin, Tjodnuma. Gangler dit « Tu me racontes là des choses extraordinaires. Il faut que Valhall soit un édifice immense. La foule doit en rendre l'entrée et la sortie fort difficile. » Har répondit « Pourquoi ne demandes-tu pas combien il y a de portes à Valhall et quelle est leur dimension? Quand tu le sauras, tu conviendras qu'il serait singulier que chacun en sortît et n'y entra pas commodément selon sa volonté. » Il n'est pas plus difficile de trouver place à Valhall que d'y entrer. Il y a dans le champ de Grimner le passage suivant. Valhall possède, je crois, 500 portes et 40 encore. 800 Einherjars peuvent sortir de front par chacune de ces portes quand ils vont combattre le loup. Gangler dit alors. Valhall est peuplé d'une multitude immense et Odin doit avoir bien de l'habileté pour gouverner tant de monde. Mais à quoi les Einherjars passent-ils leur temps quand ils ne sont pas occupés à boire? Har répondit. Tous les jours, après avoir fait leur toilette, ils prennent leurs armes, se rendent dans la cour pour combattre et se vaincre mutuellement. Ce sont leurs jeux. Vers le moment du déjeuner, ils rentrent à cheval dans Valhall et se mettent à boire comme il est dit ici. Tous les Einherjars combattent chaque jour dans la cour d'Odin. Puis ils reviennent s'asseoir à la table du festin et sont amis comme auparavant. Odin est en effet un grand général. Il en a donné beaucoup de preuves. Voici ce qu'on trouve dans le poème des As. Le frêne Yggdrasil est le plus excellent des arbres. Skidbladner, le plus excellent des vaisseaux. Odin est le plus excellent des As. Sleipner, le plus excellent des chevaux. Befrost, le plus excellent des ponts. Brage, le plus excellent des poètes. Habrok, le plus excellent des éperviers. Et Garm, le plus excellent des chiens. Gangler demanda « À qui appartient le cheval Sleipner et que raconte-t-on de lui ?» Har répondit Tu ignores l'origine de Sleipner et serais bien aise de la connaître. Dans le commencement du premier âge des dieux, quand ils eurent élevé Midgard et bâti Valhall, un architecte vint les trouver et offrit de construire en 3 ans un château tellement fort qu'il serait impossible aux géants des montagnes et aux Rimthursars de s'en emparer, lors même qu'ils auraient pénétré dans l'enceinte de Midgard. Mais il demanda pour récompense Freya, ainsi que le soleil et la lune. Les Ases s'assemblèrent pour délibérer sur cet objet et dirent à l'architecte que ses demandes lui seraient accordées s'il bâtissait ce château dans l'espace d'un hiver. Mais si le premier jour de l'été, il restait quelque chose à faire à cet édifice, la convention serait nulle, il ne devrait pas non plus prendre d'aide. Quand l'architecte eut connaissance de ce résultat, il demanda la permission de se servir de son cheval Svadelfur. Et Locke, l'ayant appuyé, elle lui fut accordée. Il commença dès le premier jour de l'hiver la construction du château, et toutes les nuits il apportait des pierres avec le concours de son cheval. Les Ases étaient surpris de voir les grandes montagnes que Svadelfur traînait et de ce que cet animal faisait 2 fois autant d'ouvrage que son maître. La convention arrêtée entre les Ases et l'architecte avait été confirmée en présence de bons témoins et avec beaucoup de serments. Car le géant trouvait peu sûr pour lui d'habiter parmi les Ases sans une bonne garantie, Thor pouvant revenir d'un moment à l'autre de l'expédition qu'il faisait contre les démons en Orient. Vers la fin de l'hiver, le château était très avancé, tellement élevé et si fort que personne n'aurait pu l'attaquer. 3 jours avant l'été, l'architecte n'avait plus que la porte à faire. Les dieux s'assirent alors sur leur trône pour délibérer et s'entre-demandèrent qui avait donné le conseil de marier Freya en Jötunheim de détruire l'air en donnant le soleil et la lune aux géants. Tous s'accordèrent à dire que ce mauvais conseil avait été donné par Locke, source du mal. Ils le menacèrent donc d'une mort ignominieuse s'il ne trouvait un expédient pour empêcher l'architecte de terminer son travail à l'époque fixée. Locke eut peur et jura d'arranger les choses de manière à ce que l'architecte ne reçût point la récompense promise. Le même soir, le géant sortit pour aller chercher des pierres avec Svadelfur, et une jument accourut de la forêt en hennissant. Aussitôt, Svadelfur devint rétif, cassa la bride et courut après la jument. Mais celle-ci se sauva dans le bois, et l'architecte la suivit pour rattraper son cheval. Ils coururent ainsi toute la nuit, et l'ouvrage s'en trouva négligé. Le jour suivant, on ne travailla pas comme de coutume, et l'architecte, voyant que le château ne serait pas terminé, fut pris de la rage des géants. Les Ases, ayant acquis la certitude qu'ils avaient reçu chez eux un géant de montagne, n'eurent plus aucun égard au serment qu'ils avaient fait. Ils appelèrent Thor, qui vint de suite, souleva Mjölner et acquitta la dette contractée pour la construction du château. Le géant ne retourna point à Jötunheim. Du premier coup, Thor lui brisa le crâne en petits morceaux et l'envoya à Niflheim. Mais Locke avait été poursuivi si vivement par Svadelfur que peu de temps après il donna le jour à un poulain gris qui avait 8 pieds. C'est le plus excellent des chevaux. Il est dit dans Vola. Alors toutes les puissances, les dieux augustes, allèrent s'asseoir sur leur trône et se demandèrent qui avait infecté l'air ou promis de donner la femme d'Od à un rejeton des géants. Tous les serments, toutes les promesses et les conventions furent rompues. Thor seul amena ce résultat, car il reste rarement tranquille quand, dans sa colère, pareilles choses viennent à ses oreilles. Gangler demanda « Puisque Skidbladner est le plus excellent des navires, je voudrais savoir les particularités qui le concernent. Est-ce qu'on ne trouve pas de vaisseau aussi bon et aussi grand que lui ?» Har répondit « Il n'en est aucun qu'on puisse lui comparer. Skidbladner a été construit avec un art infini, mais Naglfar, le navire de Muspel, est plus grand. » Skidbladner est l'ouvrage de quelques nains fils d'Invald qui le donnèrent à Frey. Ce vaisseau est si vaste qu'il qu'il peut prendre à bord tous les Ases à la fois, avec armes et bagages. Aussitôt que sa voile est tissée, un vent favorable la gonfle, n'importe la côte vers laquelle on veut se diriger. Skidbladner se compose d'une multitude de morceaux réunis avec tant d'habileté qu'on peut le plier comme un mouchoir et le porter dans sa poche. Gangler continue. Skidbladner est un bon navire. Bien des sortilèges ont été nécessaires pour sa construction. N'est-il jamais arrivé à tort de trouver son maître en force, en puissance et en magie ? Har répondit. Peu d'hommes, je crois, seraient en état de traiter ce sujet. Cependant, Thor a éprouvé de rudes traverses. S'il a rencontré un vainqueur, c'est un secret à garder. Tout le monde doit croire que personne ne l'égale en puissance. Gangler dit. J'ai donc fait une question à laquelle vous ne pouvez satisfaire. Jafnar répliqua. Nous avons, oui, raconté des choses qui nous ont paru incroyables. Celui qui pourrait te donner des renseignements précis à cet égard n'est pas loin. Il te dira la vérité. Jamais il n'a menti. Gangler dit. Je vais donc attendre une réponse à ma question, et je vous déclarerai vaincu si je n'en reçois pas.